J'suis au-dessus de vous. J'ai même pas besoin d'être insolent, oui, j'donne du lourd. Les vrais savent, le joint c'est le frein de nos sens. J'm'isole, je doute, mais au final j'rigole de tout. Essaye pas de me rattraper, j'ai des rêves à pas lâcher. D'étranges visions sont sous mes yeux, j'pèse en millions, donc j'ouvre les yeux. J'suis ce gars sensible, tu l'as senti, mes ambitions sont supérieures. Retiens mon blaze, le mien montera, le sien tombera. Je viens, j'bombarde, ce chien pompe mal, le bien combat. On finira par triompher, on vieillira, l'ami on le sait, donc c'est pas grave, certains diront bon débarras. Nous parle pas sale pouf, boule ça jacte à vous. Tout ça gasse, ça saoule, je vous crache à la bouche. On est des vrais dibans, petit je baise les potins. Mon air est méprisant, je dirais même hautain. Je vois qu'elle même tago, normal connard, trop de grâce, vorace, trop ma vorace, au calme comme d'hab, moi c'est Senamo. Être insolent, je sais le faire. Hey yo, oui, m'amène, me teste pas, je t'écrase. Mégot de cigarette, je vous regarde de haut, vous me faites pas peur. J'ai écrit ce texte à l'heure, toi quand tu paieras, c'est chaud. Écarte-toi petit, je suis papa, tu vis. Tu kiffes, mon insolence vous pousse à bout comme un agent de police. Tu peux plus nous rattraper, on avance trop vite. Mâche-moi la reste groupée, fuck les autres. On va gagner les trophées, fuck les clones. Un cri dans le silence, en guise de claque. Pour tous ceux qui ont rêvé que mon équipe se casse. Vous n'êtes pas prêts, j'irai même loin du compte. Tu veux nous faire de l'ombre, mais t'iras pas bien loin du con. Kilo Dream à la prod, c'est mieux comme ça. Avec Rizla, on met vos beats horribles à la mort. On est pas de ceux qui s'incrustent, pas de ceux qui flinguent plus. Pas de ceux qui t'insultent, mais de ceux qui niquent la stu. Pépère, on est là, frère. T'as pas idée des trucs qu'on préparait. Ni pas quand on paiera, t'as la go. Laisse couler Jaco quand on envoie la sauce. Freestyle, et y'a pas de baratin. Même posé dans un baratin. Alors comme ça, ça lâche des punchlines. Que dalle, remballe ton vieux style, man. C'est nous les restars, on raflera la mise. Depuis l'époque des TN Clark, soit la bise. C'est mille que ma sma la vise. Phil te mettra à l'abri. Je veux que ça pogote, pas de boycott. Report, c'est IT, ça te chocove. Et les gars, tu s'excites. Mat ma race, bye bye, je m'arrache, bye là. Sur une plage au Mexique, gambas à la plancha. Plus pâle, tu meurs, regard, tu heurs. Genre Muller de la mancha. Et pourquoi tu t'endors? C'est l'heure du but en or. Fracture, coup de boule en tort. Pour ceux qui doutent encore, fourre, c'est fou, ce clarim est lourde. Bourbon, étends-moi donc ta gourde, mon jeune fourbe. L'asthma là, l'histoire suit son cours. Nique ceux qui sont contre, nique ceux qui sont pour. Hey yo, qu'est-ce que tu crois? Je fais pas du rap impunément, frère. La bassline, tu es m'entraîne. Star là, fut les mens, certes. Car là, vu les manques, j'ai la crapule est tentée. J'suis pas de tasse, mais j'prends le blé. Madelas, tu l'ai mangé, j'ai changé. Par rapport au but, j'avais rappé de ma jamais gavé. Viens pas te la ramener, bnadé. Allez, allez, paquet, moi, ce texte il est parfait. J'vois que les wacks sont par terre. Et nettoie mes baskets, badé, badé. Doucement, j'ai pas pris la pastèque. Négro, j'ai plus le time. Tous les jours, je taffe sec, c'est chaud. Hey ho, j'suis têtu, toi, tu dois taire. Suffit que j'me casse la tête. Pour t'étudier chaque texte, t'es pauvre. Malheureusement, mon constat est négatif. Les gars de ton crew font des caprices. Reste dans les loges comme des actrices. Fils, comme d'hab, fuck le bise. La ligne de vise est pas si divise. Et pour le pif et les pisseuses, on va les pif. On est pas de ceux qui s'incrustent, pas de ceux qui flinguent plus. Pas de ceux qui t'insultent, mais de ceux qui niquent la stru. Pépère, on est là, frère. Je sers quoi? Qui veut quoi? Toi, tu veux quoi? Un Jack, s'il te plaît. Alors, un Jaco pour monsieur. Toi? Un Jack Moret. Ça fait deux. Un troisième Maurice. Trois. Un quatrième Jack, tu vois. Quatre Jaco. Il est où, Sean? Bon, mets-en un cinquième pour Sean. René! René! Cinq Jaco pour la Smalice. Pour la Smalice. Pour la Smalice.